بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc dans notre lecture du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Furqan, Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan, avec les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on approche de la fin, on est presque à la fin du volume 1. Donc il nous reste peut-être une vingtaine de pages. Donc le Cheikh dit wala yaqulun innaha lirabbi wala yaqulun innaha lirabbi. Naam. Donc pour revenir, je vais relire les dernières phrases et puis après on va poursuivre. On lisait hier à propos des soufis qui ont essayé d'introduire dans leurs enseignements ou dans leurs principes les principes des philosophes. Hein. Ils ont rentré dans leurs idées, les idées de Platon et d'autres philosophes grecs, et aussi par rapport à des philosophes, arabes, comme on dit, Ibn Sina et Al-Farabi et d'autres également. Vous savez que Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, lorsqu'il a fait un cours sur les paroles de sur les durus d'Ibn Taymiyyah, puis à un moment donné il parlait des falasifa. Donc il dit les philosophes, en arabe on dit falasifa et la philosophie on dit falsafa, parce que ça vient de la langue grecque, d'accord. Donc wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc quand il dit la différence entre les philosophes grecs et les philosophes arabes, c'est seulement l'ethnie ou la nationalité. Il dit sinon ils ont la même voie, la même croyance. Hein, falasifatul yunan wa falasifatul arab. Parce que il dit des fois les gens ils font l'erreur de dire les philosophes musulmans ou islamiques. Il dit alors que dans l'islam il n'y a pas de philosophie islamique en réalité, puisque ces choses-là sont en contradiction avec le Coran et la Sunna en grande partie. Et comme les ulama aussi ont classifié dans ce que les philosophes enseignaient, il y avait différentes catégories. Par exemple, les ulama ils disent il y avait al-tabi'iyat wal-riyadiyat wal-ilahiyat. Certains ulama ils l'ont divisé comme ça, c'est-à-dire al-tabi'iyat, c'est-à-dire les choses qui ont rapport avec la nature, qu'est-ce qu'on observe dans la création, d'accord. Ils disent dans ces choses-là les philosophes ils ont eu raison dans beaucoup de choses et ils ont eu tort dans des choses aussi, parce que eux ils faisaient que des observations mais ils faisaient pas d'expérimentation pour prouver est-ce que ce qu'ils disaient c'est vrai ou faux. C'est les Arabes qui ont ajouté à la méthode des Grecs la méthode expérimentative pour vérifier les hypothèses. Hein? Et ça, c'est venu plus tard après. Ensuite, il y a al-riyadiyat, et ça, c'est les mathématiques. Hein? Les mathématiques, la géométrie, toutes ces autres, les trucs comme ça. Ça, également, ça fait partie des choses que les philosophes enseignaient ou étudiaient. Puis dans ça, ils avaient souvent raison. Hein? Et moins souvent, ils avaient tort dans ces affaires-là. Tandis que dans les choses de al-ilahiyat, qu'est-ce qui a rapport avec les croyances, la religion, la croyance, la relation avec le divin, hein, et la divinité. Alors là, dans ces questions-là, ils ont fait beaucoup d'erreurs, hein, et beaucoup d'enseignements qu'ils ont fait, qu'ils ont enseigné, des choses qu'ils ont enseignées à propos de Dieu et à propos de la croyance. Ils ont fait beaucoup d'erreurs dans ces questions-là parce que, bien entendu, ils n'ont pas été guidés par la révélation. Donc, c'est tout à fait normal que leurs enseignements soient en contradiction avec les enseignements des prophètes, parce que la plupart des Grecs, c'était soit des athées, des koufars qui croient en rien, ou bien c'était des idolâtres, des gens qui croient en des différentes divinités, ou bien des gens qui croient en... Yani, comme on dit là, comme on a mentionné hier, qidam al-alam, hein, le fait que l'univers est éternel, hein, un peu comme ceux qu'on appelle les panthéistes aujourd'hui en Inde et ailleurs, qui croient que tout ce qui existe est Dieu, un peu comme les croyances de Ibn Arabi de Wahdatul Wujud dont on a parlé déjà. Donc il disait ça, ou il dit كما يقوله أرسطو يقولون أن الأفلاك الأفلاك قديمة أزلية ولها علة تتشبه بها كما يقوله أرسطو وأتباعه أو لها موجب بذاته كما يقوله متأخروهم كابن سينا وأمثاله. Ensuite, donc on a expliqué que hier on a dit ces gens-là croyaient que les étoiles étaient éternelles, n'avaient pas de début, n'avaient pas de fin, et que l'univers est éternel. Personne ne l'a créé. C'est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours, et que ça ne fait que se transformer. Ça, c'est c'était une des croyances de ces Grecs-là, des philosophes grecs. Hein? Et encore aujourd'hui, comme je discutais même avec des frères, il y en a parmi même les physiciens, puis les gens aujourd'hui qui croient en cette théorie-là aussi, encore aujourd'hui. Hein? Qu'avant le Big Bang, il y avait quelque chose, et puis ça a abouti au Big Bang, puis après ça, ça a explosé, puis que ça va revenir encore, ça va retourner encore au début comme c'était avant. Donc toutes sortes d'hypothèses comme ça qu'ils ont. Donc ils ne croient pas en un créateur. Il dit wala yaqulun, Ibn Taymiyyah, il dit wala yaqulun innaha li rabbin khalaqa as-samawati wal ard wa ma baynahuma fi sittati ayyamin ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته ولا يعلم الجزئيات بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو. Puis ça continue, mais le cheikh il a cité ce passage là en premier pour l'expliquer. Donc eux ils disent comme on a expliqué qu'ils croient en l'éternité de l'univers, que l'univers n'a pas de début et n'a pas de fin. Et que Ibn Taymiyyah a dit, ils ne disent pas que cet univers, elle a un Seigneur qui l'a créé, qui a créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux en six jours, et qui a créé toute chose par sa volonté et par sa toute puissance, et qui connaît la réalité de chaque petite particule et de chaque petit élément qui compose cet univers-là. Hein? Et il dit plutôt, eux, ils renient même cette connaissance de façon absolue, comme exemple Aristote. Puis Cheikh Al-Fawzan il commente sur ce point-là et il dit Allahu Azza wa Jal akhbara annahu khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam bima fiha al-aflak wa hiya majar al-kawakib. Al-aflak majar al-kawakib, al-shams wal-qamar wal-nujum فهي محدثة ومخلوقة وهذا نوع من التنجيم. التنجيم أصله مأخوذ عن الفلاسفة فالله أخبر أنه خلق السماوات والأرض بما فيها الأفلاك فدل على أن السماوات والأرض محدثة وليست قديمة وأن الأفلاك محدثة وليست قديمة. يعني الشيخ هنا عندما يقول قديم يقصد بلا بداية ولا نهاية, يعني شيء يعني أزلي, هذا هو المقصود. لأن في اللغة العربية لم يكن عندهم كلمة بهذا المعنى فيستعملون كلمة قديم. فالشيخ يقول نعم ليست قديمة وأن الأفلاك محدثة يعني مخلوقة وليست قديمة كما تقوله الفلاسفة وإنما توجد الأشياء ضرورة من الطبيعة من طبيعة الأفلاك وليس لها رب يحدثها ويوجدها ويفنيها ولا يؤمنون بالرب سبحانه وتعالى ولا يؤمنون بالرسل وإنما يعتمدون على فلسفاتهم وأفكارهم وينفون عن الله علم الغيب وأنه يعلم الجزئيات التي تحدث في هذا الكون من الحوادث والمخلوقات المتجددة لا يؤمنون بهذا كله وهذا مذهب الفلاسفة وغرض الشيخ أن يبين من أين أخذ الصوفية هذا الإلحاد وأنهم أخذوها من هؤلاء الفلاسفة. Donc le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé dans le Coran qu'il a créé les cieux et la terre en six jours. Et y compris tout ce qui est dans les cieux, hein, comme les astres, hein, oui, bien sûr, les anges, hein, et les constellations, les astres qui suivent des orbites, hein, dans l'espace. Et c'est ça que le cheikh il mentionne, l'orbite des planètes, l'orbite des astres. Il dit tout ça, hein, le soleil, la lune, les étoiles, tout ça c'est créé. Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ça. C'est pas des choses qui ont toujours existé et qui sont éternelles, hein, contrairement à ce que prétendent les philosophes. Il dit cette sorte de donc tout ce qui a rapport avec l'astronomie, hein, tout ce qui a rapport à l'étude du ciel et à tout ce qui a rapport avec ces choses-là, ça on appelle l'astronomie. Puis il y a aussi qu'est-ce que les koufars appellent aussi l'astrologie. Hein, l'astrologie, ça c'est autre chose. Ça rentre même dans le shirk, l'idée que les êtres humains sur Terre sont influencés par qu'est-ce qui se passe dans les étoiles, puis que pour savoir ton avenir, tu peux regarder dans les constellations, puis par rapport à ton signe zodiaque, tu peux savoir si tu vas être heureux ou malheureux, ou si tu vas avoir du bonheur ou non. Donc ça c'est clair qu'il y a du shirk là-dedans et que c'est contraire à l'islam. Et le cheikh il dit que ça, à la base, ça a été pris des philosophes. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé donc dans le Coran qu'il a créé les cieux et la terre et tout ce qui est dedans, comme astres, comme constellations, comme étoiles, comme planètes, tout ce qui existe dans l'univers, c'est Allah qui l'a créé. Et ça, c'est la preuve que donc les cieux et la terre sont créés. Ils ne sont pas éternels. D'accord? Ils ne sont pas éternels. Et que également les planètes et les constellations et les astres et les orbites et tout ça, hein, sont créés. Ils ne sont pas éternels, contrairement à ce que disent les philosophes. Et eux, les philosophes, ils disent ces choses-là existent par leur nature elles-mêmes, hein, et par la nature de ces astres, des constellations ou des planètes ou des étoiles, ça existe, elles existent par elles-mêmes. Elles n'ont pas de seigneur qui les ont créées ou qui les détruisent. Elles décident, elles sont là elles-mêmes, par elles-mêmes, par leur nature, et ainsi de suite. Donc elles n'ont pas, ils croient pas en un seigneur, en un Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne croient pas non plus en des messagers. Donc les prophètes, ils ne croient pas en des messagers qui ont été envoyés par Allah, ou des prophètes qui reçoivent une révélation. Eux, les philosophes, ils ne croient qu'en la limite de ce que leurs cinq sens peuvent connaître. Mais au-delà de ça, des révélations, des anges, des choses comme ça, eux, ils ne croient pas en ça. Ils se basent uniquement sur leur philosophie et sur leurs pensées et leurs idées, et ainsi de suite. Et également, parmi les choses qu'ils renient de la foi, il y a la connaissance d'Allah et de sa connaissance de l'invisible. Donc il renie la connaissance d'Allah qui est parfaite et qui connaît tout, hein, qui connaît l'invisible, et qui connaît également chaque élément et chaque petite partie de ce qui va arriver dans l'avenir, hein, dans cette création et dans les événements qui se produisent dans la création et qui se répètent ou bien qui se reproduisent constamment. Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout ça et il sait tout ce qu'il y aura dans l'avenir jusqu'à la fin des temps et à l'éternité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance de toutes choses. Eux, ils ne croient pas en ça du tout. Donc c'est ça la voie des philosophes en réalité. Et le but de Ibn Taymiyyah lorsqu'il mentionne les positions des philosophes ici, c'est de montrer d'où les soufis ont pris ces croyances d'égarement-là. Et qu'en réalité, ils ont pris leurs idéologies et leurs principes des philosophes. Hein? Donc les soufis, quand ils s'adressent à des gens parmi les musulmans, ils font croire à ces gens-là que ils ont reçu ces connaissances-là par inspiration divine, ou bien que Allah leur a donné ces connaissances-là. Et donc ils disent que ce sont des connaissances secrètes, hein, et que c'est seulement eux qui peuvent les connaître, ces connaissances-là, alors qu'en réalité ils les ont pris, hein, des prophètes. Pardon, ils les ont pas pris des prophètes, ils les ont pris des philosophes. Le cheikh il dit ensuite, hein, نعم بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو أو يقولون إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابن سينا وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي الأفلاك كل معين منها جزئي وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في رد تعارض العقل والنقل وغيره فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى. Donc le cheikh il mentionne maintenant des points par rapport à la croyance des philosophes, que ce soit les philosophes grecs ou les philosophes arabes, hein. Voici la différence entre les deux, c'est juste qu'ils ont changé les termes, mais c'est les mêmes idées en fait, hein. Aristote, il dit, le cheikh, que le cheikh il dit qu'Aristote il croyait pas en la science d'Allah, que Allah connaît toutes choses, tandis que les philosophes arabes comme Ibn Sina, même s'il n'était pas arabe, mais les gens l'appellent arabe parce que il fait partie des gens qui vivaient parmi les musulmans, donc eux ils disent que Allah il connaît les choses qui changent comme en tant que règle générale ou principe général, mais pas chaque individu, chaque élément spécifique de qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Et le cheikh il explique en réalité que celui qui dit ça, que Allah connaît juste les grandes lignes de qu'est-ce qui va se produire et les règles générales de qu'est-ce qui va se produire, mais qui connaît pas les petits éléments que ça compose, eh bien en réalité c'est comme s'il disait qu'il ne connaît pas l'avenir, hein, et qu'il ne connaît pas le raïb. Donc, ça équivaut à renier sa science. C'est pour ça qu'il dit, le cheikh, وَحَقِيقَةُ هَذَا الْقَوْلِ إِنْكَارُ عِلْمِهِ بِهَا. La réalité de cette parole ou de cette position-là, c'est comme s'il niait la science d'Allah subhanahu wa ta'ala de toutes choses. Et pour clarifier ça, cheikh Al-Fawzan, il dit, يَعْلَمُ الْكُلِّيَاتِ وَلَا يَعْلَمُ الْجُزْئِيَاتِ كُلُّهُ ضَلَالٍ. Allah يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ subhanahu wa ta'ala. ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون الله يعلم كل شيء. Donc le cheikh il clarifie, il dit ce qu'il dit, ces gens-là c'est faux, qu'il connaît seulement les kulliyat, hein, les grandes règles, mais il connaît pas les petits éléments de qu'est-ce qui va se produire dans l'avenir. Il dit tout ça c'est de l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses. Il connaît ce qui était, ce qui est et ce qui n'est pas, et si ça se serait produit, comment ça aurait été, hein? Donc il connaît toutes choses subhanahu wa ta'ala. Après, par rapport à l'autre passage, le cheikh Al-Fawzan il dit al-kulliyat innama hiya fil adhan al-kulliyat la wujuda laha fil kharij wa innama hiya fil adhan takhayyulat amma al-juz'iyat فهي التي توجد في الخارج المواليد والنبات والحوادث هذه توجد في الخارج يشاهدها الناس الكليات إنما في هي في خيالات وفي الأذهان لا في الأعيان ثم يقول لأن الموجودات كلها جزئيات أما الكليات فإنما هي تخيل في الذهن والكليات لا وجود لها في الخارج وإنما هي خيال في الأذهان يعني بخلاف الجزئيات فإنها تشاهد وتوجد. Qu'est-ce qu'il veut dire par al-kulliyat ici? D'après ce que je comprends par rapport à ce qu'il a expliqué ici, c'est qu'il parle de l'idée des choses. L'idée des choses. Et non pas leur réalité. Donc ils disent que l'idée des choses, elle n'existe que dans notre esprit. Hein? Tandis que les choses qui existent dans la réalité, c'est les créatures elles-mêmes, les choses créées. Tandis que l'idée de ces choses-là, elle n'existe que dans notre imagination, dans notre esprit. Hein? C'est comme je dis par exemple, c'est des choses qu'on nous a appris même à l'école quand on était en philosophie, l'idée d'une bouteille. Hein? Bon, si je dis ça, c'est une bouteille d'eau, vous comprenez parce que vous voyez le modèle, qu'est-ce que je vous dis. Mais si je dis, imaginez une bouteille quelconque et que je donne à cette bouteille aucune description et aucun attribut. Vous pouvez comprendre de quoi je parle parce que l'idée de la bouteille, vous l'avez dans votre esprit, vous l'avez dans votre imagination. Hein? Mais tant que je ne l'ai pas définie ou décrite, cette bouteille, vous ne pouvez pas savoir exactement de quelle sorte de bouteille je parle. Hein? Ou bien si je vous parle d'une table, hein? C'est la même chose. Vous savez, quand je vous dis le mot table, il y a une image qui apparaît dans votre esprit, dans votre imagination. Et vous imaginez cette table. Hein? Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on parle de l'idée, hein, de quelque chose. Tandis que la table réelle, si je vous dis, bon, cette table qu'on a achetée chez IKEA, vous comprenez que ça, c'est ce modèle de table précis. Ça, c'est qu'est-ce qui est créé, c'est qu'est-ce qui existe. Mais l'idée de table n'existe que dans notre tête. Hein? Hein? Non, l'idée, c'est-à-dire le principe d'une table, qu'est-ce que c'est? Tu comprends? Oui, c'est ça. Oui, exact. En tout cas, c'est juste pour dire que ils utilisent ces termes-là parce que ça, c'est les termes qui sont employés par les philosophes. Et ils les ont traduits seulement en arabe. C'est pour ça que des fois, tu lis des termes comme ça dans des livres arabes, tu lis des mots ou des expressions des philosophes, tu vois que ça ne vient pas de la nature de la langue arabe. Parce que la langue arabe, dans son style, elle est facile, elle est simple, elle est souple, elle coule. Hein, c'est comme quelque chose qui est, comment je pourrais dire, fluide. Mais quand tu lis des mots grecs comme ça, hein, des expressions comme ça, tu vois que ça sort du style, de la façon dont les Arabes s'expriment. Donc c'est pour ça en fait que des fois c'est un petit peu plus compliqué à traduire dans ce sens-là, parce que à la base c'était même pas des mots arabes. Et le cheikh il dit, les détails de ces paroles-là sont mentionnés dans d'autres endroits. C'est-à-dire Ibn Taymiyyah il dit, j'ai parlé de ça en détail dans d'autres livres. Et il mentionne un exemple comme le livre qui s'appelle Raddu Ta'arud Al-Aql wa Al-Naql. Je pense que le livre est là même ici. Je pense qu'il est dans la bibliothèque là-bas. Cette édition qu'on a ici, elle est de 5 volumes. Il réfute dans ce livre-là les philosophes et les croyances et les idées des philosophes. Donc, Cheikh Al-Islam, tu peux ramener le livre? Le livre Dar al-Ta'arud dans la bibliothèque. C'est un livre noir. Le volume 1, pas en haut, en bas. Tu lis l'arabe, toi? Essaie de voir si tu... Dar al-Ta'arud bain al-Aql wa al-Naql, ou Radd al-Ta'arud al-Aql wa al-Naql. Il est noir et vert. Oui, c'est ça. Ça, c'est un livre en... Oui, barakallahu fik. C'est ça. Donc, Dar al-Ta'arud al-Aql wa al-Naql, ou Sahih Muwafaqa, ou Muwafaqatu Sahih al-Manqul li Sarih al-Ma'qul de Ibn Taymiyyah. Donc Ibn al-Qayyim il a dit, ça c'est le livre, le plus grand livre que Ibn Taymiyyah a écrit. Naam. Mais par contre, je vous dis, si vous essayez de lire ça, c'est à un autre niveau. C'est vraiment pas facile. Hein? Donc, mais c'est juste pour dire que ce livre-là, franchement, dedans, il réfute les philosophes. Naam. Et il dit que il a parlé de ce sujet-là en détail dans ce livre. Hein? Et ça, c'est le volume 1. Ça, c'est le volume 1. Selon l'édition, il y a plusieurs volumes. Et il a parlé de ça également dans d'autres livres. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, il dit, Cheikh Al-Islam, rahimahullah, basat al-kalam, fi hada, fi kutubihi al-ukhra, allati nazala fiha al-falasifa wal-malahida. مثل كتاب درء تعارض العقل والنقل وهو كتاب جليل يعتبرونه أقوى كتبه وأعظمها كتاب العقل والنقل. يقول ابن القيم واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني, يعني ليس له نظير في مؤلفات أهل العلم, لأنه فصل فيه وغاص على أسرار وبينها وكشفها في هذا الكتاب. ما أحد تناول هذه الأمور وبينها مثل ما تناولها في كتاب العقل والنقل. Donc Ibn Taymiyyah, Cheikh Al-Fawzan, il dit, Ibn Taymiyyah, il a détaillé la parole de ce sujet-là dans d'autres livres. Et il a réfuté, hein, il est descendu sur le terrain des philosophes et des athées et il les a réfutés sur leur propre terrain. Bien entendu avec les preuves du Coran et de la Sunna et avec les preuves de la raison aussi. Et il dit ça, c'est dans son livre, dans son grand livre Dar al-Ta'arud bayna al-Aql wa al-Naql, c'est-à-dire repousser l'opposition qui pourrait être mentionnée à propos de la raison et de la révélation. Et il dit que les ulama considèrent que ça c'est son livre le plus fort de tout ce qu'il a écrit et le plus grand de tous ses livres. Ibn al-Qayyim, même dans An-Nuniyah, un poème qu'il a écrit, c'est un poème qu'il appelle An-Nuniyah. Pourquoi? Parce que chaque vers termine par la lettre Nun. Chaque vers, il y a 6000 vers dans ce poème. Et c'est un poème dans lequel il réfute les Jahmiyyah et les gens de Bid'ah. Hein. Et bien, chaque vers de ce poème termine par la lettre Nun. Hein. Comme ici, il dit « Waqra kitab al-aqli wa al-naqli alladhi ma fi al-wujud lahu nadhirun thani » Ça finit par « ni ». Et bien, tous les vers dans le poème, du début jusqu'à la fin, la dernière lettre, ça va être toujours un Nun. C'est pour ça qu'on l'appelle An-Nuniyyah. Des fois, il y a d'autres poèmes, les ulama ont écrit, ça s'appelle Al-Mimiyya, parce qu'il termine par Mim. Et des fois, Al-Lamiyya, parce que ça termine par Lam. Hein? Il y a beaucoup de sortes comme ça. Naam. Donc, il dit dans ce vers-là, il dit, lis le livre, Al-Aql wa Al-Naql. Il dit, il n'y a pas deux livres comme celui-là dans l'existence. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'il n'y a pas, parmi les écrits des savants de l'islam, il n'y a pas un autre livre comme celui-là qui détaille et qui réfute les égarements et qui clarifie les secrets et les égarements de ces gens-là. Hein? Et il dit, il n'y a personne parmi les savants de l'islam qui a attaqué ce sujet et qui l'a clarifié de la manière que Ibn Taymiyyah l'a fait. On ne le trouve pas ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il considère que c'est vraiment un de ses plus grands livres. Et il y a beaucoup de livres comme ça de Cheikh al-Islam, hein, qui sont des livres uniques. C'est-à-dire que les sujets dont il a traité dans ces livres-là, tu vas pas trouver un savant qui en a parlé avant lui. Comme par exemple, Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, dans lequel il réfute, ou bien il clarifie l'interdiction d'imiter les kuffars, en particulier les juifs et les chrétiens. Ben, c'est un sujet qui est connu dans le Coran et dans la Sunna. Mais il n'y avait pas un savant qui les avait réunis tout ensemble, ces explications-là, dans un seul volume ou dans un seul livre. Donc, ça c'est yani, un exemple d'un livre unique parmi les livres de Ibn Taymiyyah. Et puis, il y en a beaucoup d'autres comme ça aussi. Non. Al-Aql, c'est la raison. Et Al-Naql, c'est la révélation. Qu'est-ce qui a été transmis, on appelle en arabe Naql. Dar raddu ou bien daru ta'arud. Ta'arud, c'est quand il y a une contradiction, une opposition entre deux choses. Donc c'est comme le titre, ça veut dire de repousser l'opposition entre la raison et la révélation. Ou bien dans l'autre titre qui est mentionné en dessous, Muwafaqatu sahih al-manqul li sarih al-ma'qul. C'est-à-dire pour dire qu'il y a un accord entre la révélation, le texte qui est transmis de façon authentique, du moment que le hadith il est authentique, ou la révélation est transmise de façon authentique, elle ne peut pas contredire ce qui est explicite et clair de la raison. Hein, le raisonnement correct. Hein? C'est ça que Ibn Taymiyyah il veut établir dans ce livre-là. Donc ça c'est pour réfuter ceux qui essaient d'opposer la raison et la religion. Ou comme aujourd'hui certains qui essaient d'établir ou de montrer une contradiction entre la raison, la science et la foi. Hein? C'est un petit peu dans ce même style-là. Ceux qui essaient de faire opposer la foi et la religion aujourd'hui. Hein? Donc Ibn Taymiyyah il réfute ça. Ensuite, il dit fa inna kufra ha'ula a'zamu min kufr al-yahud wa an-nasara. Il dit la mécréance de ces gens-là elle est plus grande que la mécréance des juifs et des chrétiens. Il dit al-yahud wa an-nasara yu'minuna bi anna Allah khalaqa as-samawati wal-ard wa yu'minuna bir-rusul 'umuman imanan mujmalan wa yu'minuna bil-yawm al-akhir. Amma ha'ula fala yu'minuna bi shay' إلا ما يتخيلونه هم وكذلك من اتبعهم من الصوفية كفره أعظم من كفر اليهود والنصارى. Donc le cheikh il dit la mécréance de ces philosophes et de ces soufis qui ont ces croyances philosophiques aussi, elle est plus grande que la mécréance des juifs et des chrétiens. Pourquoi? Parce que les juifs et les chrétiens, même si ce sont des kuffars et des mushrikines, mais par contre, ils croient que Allah a créé les cieux et la terre. Ils croient que Allah a envoyé des messagers de façon générale. Hein? Ils ont une foi globale en cet aspect-là, même s'ils renient certains des messagers. Ils ont une foi de façon générale en le jour dernier, et qu'il y a un jour, un jugement dernier après la mort. Tandis que ces philosophes et ceux qui les suivent, parmi les soufis, eh bien, eux, ils ne croient que ce qu'ils ont imaginé avec leurs esprits. Et donc, par conséquent, leur mécréance est plus grande que la mécréance des juifs et des chrétiens. Et le cheikh, il dit, « Bal wa mushriki al-arab ». C'est-à-dire que leur mécréance, non seulement elle est plus grande que la mécréance des juifs et des chrétiens, mais même que les mushrikines parmi les arabes. Parce que les mushrikines parmi les arabes, ils n'ont pas nié que Allah était le créateur. Tandis que ces philosophes-là, eux, ils disent non, Allah, le monde n'est pas créé, le monde est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, لِأَنَّ مُشْرِكِ الْعَرَبِ يُؤْمِنُونَ بِتَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْقُرْآنِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ الْفَلَاسِفَةِ لَا يَقُولُونَ هَذَا يقولون السماوات والأرض إنما هي قديمة غير مخلوقة. Hein? Oui, donc les mushrikines parmi les arabes avant l'islam, ils croyaient en ar-rububiyya, tawhid ar-rububiyya. Bon, ça faisait pas d'eux des musulmans, mais malgré tout, c'est-à-dire qu'ils croyaient quand même en ar-rububiyya. Ils acceptent que Allah est le créateur, le maître de toutes choses, hein, celui qui a tout créé. Donc ils croient en ça, et ça c'est clair dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 25 dans surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ce qui signifie et si tu leur demandes à ces mushrikines qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Donc ils savent que Allah a créé, tandis que les philosophes, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire non, il n'y a pas de créateur, l'univers est éternel, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Hein? Allah al-musta'an. Et après il dit فَإِنَّ جَمِيعَ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّهُ خَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ بِمَشِئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ. Donc tous ces gens-là, les juifs et les chrétiens, ainsi que les mushrikines parmi les arabes, ils disent tous Allah est le créateur des cieux et de la terre, et il a créé toutes les créatures par sa volonté et sa toute puissance. Et Cheikh Al-Fawzan il dit à propos de ça, مشرك العرب يرون أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر ويؤمنون بتوحيد الربوبية وإنما خالفوا في توحيد الألوهية فعبدوا مع الله غيره. يقول المشركين parmi les Arabes, hein, ils considéraient que Allah c'est lui le créateur, c'est lui qui donne le risque, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui gère tout dans la création. Hein, ils croient en tawhid al-rububiyya. Tandis que ils contredisent ou ils s'opposent à la vérité dans l'unicité d'Allah, dans l'adoration. Tawhid al-uluhiyya, et ils adorent d'autres avec Allah. C'est ça leur égarement. Donc ils sont tombés dans le shirk. Mais la rububiyya, ils l'affirmaient. Et le cheikh il dit ensuite وَأَرِسْتُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَالْيُونَانِ كانوا يعبدون الكواكب والأصنام وهم لا يعرفون الملائكة ولا الأنبياء وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية أما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ. Donc c'est ça que le cheikh il parle, il dit en ce qui concerne Aristo et ses semblables parmi les philosophes et les grecs, il dit ils adoraient les astres, ils adoraient les idoles, ils ne connaissaient ni les anges ni les prophètes, et il dit tu ne trouves dans les livres d'Aristote aucune mention de ça. Ça prouve qu'Ibn Taymiyyah il a même lu les livres des grecs, hein, il a lu même les livres des grecs et des philosophes. Parce que chaque fois qu'il réfutait un sujet, il l'étudiait avant, hein, bien entendu. Donc il a lu leurs livres et aussi les livres des chrétiens et des juifs, il les a lus aussi, puisqu'il les a réfutés en détail. Donc chaque fois qu'il réfutait des gens, il lisait leurs livres, il étudiait leurs livres avant de les réfuter, bien entendu. Et il dit que donc ces gens-là, Aristote et autres, ils ne mentionnent rien des anges et des prophètes dans leurs livres ou dans leurs écrits. Il dit la plupart de ce qu'ils mentionnaient et de leurs sciences, c'est des sciences au sujet des choses naturelles, hein? C'est-à-dire les choses qu'on observe dans la création, hein? Comme qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la science de la nature, hein? Au cégep, ça s'appelle quoi? Science de la nature. C'est at-tabi'iyat, les choses naturelles. Hein? Donc, en ce qui concerne les affaires qui ont rapport avec qu'est-ce qu'on appelle la théologie, hein, la théologie, c'est-à-dire la science reliée à la divinité, reliée à Dieu, la connaissance de Dieu, ou bien l'application de ces sciences-là appliquées à la religion. Eh bien, dans ces choses-là, ils ont peu de positions qui sont correctes, mais ils ont beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Hein? Et le cheikh dit, « إِنَّمَا يَعْرِفُونَ أُمُورَ الطَّبِيعَةِ وَلَا يَعْرِفُونَ أُمُورَ الْإِلَهِيَاتِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِرَبِّ. » Donc, je me rappelle quand j'étais à l'école, on nous apprenait ces questions par rapport à la science et par rapport aux mathématiques, puis à toutes ces questions-là, la physique et autres. Et ils nous disaient que les Grecs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'assoyaient, puis ils discutaient sur les choses. Ils diraient, et là, le professeur, ben c'est comme ça, ils s'assoyaient dans des endroits, et puis le professeur, il parlait avec ses élèves, puis il leur disait, qu'est-ce que vous pensez si, par exemple, quelqu'un va en haut de la tour et qu'il laisse tomber une pierre? Et qu'il laisse tomber une plume en même temps que la pierre. Hein? Est-ce que la plume et la pierre vont tomber en même temps? Hein? Et là, ils disent, mais non, c'est pas possible. Et là, peut-être qu'ils vont commencer à dire des hypothèses. Et chacun va essayer d'expliquer pourquoi. Hein? Mais ils vont pas aller en haut pour faire le test. C'est juste comme ça, ils disent. Moi, je pense que ça va pas arriver en même temps. Hein? Mais ils peuvent pas expliquer. Si c'est vrai ou si c'est faux et pourquoi. Chacun va donner son opinion et chacun va donner des arguments pour essayer de justifier son opinion, mais personne ne va faire le test pour essayer de montrer si c'est vrai ou faux finalement. Donc c'est comme ça qu'il parlait. Et puis c'est comme ça que je disais tout à l'heure, comme si les Arabes, eux, ils ont ramené les tests là-dedans. En réalité, il semblerait que la pierre et la plume tombent à la même vitesse tous les deux. Hein? Ils arrivent par terre en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés tous les deux par la force de la gravité. Je pense que c'est 9,8. Hein? C'est ça? 9,8, si je me rappelle de mes notions de physique. En fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a une résistance? C'est l'air et le vent. C'est pour ça que ça ne va pas tomber à la même vitesse. Mais sinon, s'il n'y avait pas de vent dans un endroit où il n'y a pas d'air, ça devrait tomber en même temps, les deux. Ben, c'est-à-dire, ils se basent sur qu'est-ce qu'ils peuvent essayer de découvrir de qu'est-ce qu'ils observent dans la création, tu vois. L'exemple du tableau périodique, hein, de tous ces trucs-là, c'est des efforts entre les êtres humains d'essayer de classifier la matière par éléments, puis tous ces trucs-là. Mais en tout cas, tout ça, c'est intéressant. Moi, j'ai toujours été curieux de connaître la science puis d'étudier ces choses-là. J'ai toujours aimé ça. Hein? Donc, Mashallah, on a un prof ici qui enseigne à l'université. Il enseigne la physique, justement. Ouais. Peut-être qu'on s'est trompé, tu vois. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que j'aime beaucoup ça, l'idée de vouloir être un petit peu, comment je pourrais dire, pas indépendant, mais comme si on devrait essayer, d'après moi, d'être un peu plus indépendant dans notre façon d'essayer de comprendre ces choses-là. Et pas de vouloir uniquement répéter et suivre les modèles qui nous ont été, disons, imposés, hein. Parce que ça empêche réellement à la science d'évoluer et d'avancer. Parce que c'est comme une sorte de statu quo qui fait que tout le monde doit rentrer dans le même moule. Et on sait que les grandes découvertes en science, elles ont toujours été faites par des gens qui justement ont brisé les moules, hein, brisé les idées comme conçues, hein. Mais bien entendu, il faut toujours essayer de ramener une hypothèse ou quelque chose qui est capable d'expliquer mieux qu'est-ce qu'on avait compris au début. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit... Mais en tout cas, il y a un truc, par contre... C'est ça. J'avais lu une fois dans un livre, et ça parlait des médecins, et que lorsqu'ils ont commencé à... Au début, je ne sais pas, il y a peut-être 200 ans en arrière ou quelque chose comme ça, quand ils ont commencé à essayer ils ont commencé à découvrir qu'il y avait des microbes, il y avait des bactéries, puis que ça causait des maladies, puis que beaucoup d'enfants commençaient à mourir, parce que ils disaient que les médecins, ils allaient faire des autopsies sur des cadavres, et puis ils allaient faire après un accouchement, ils se lavaient même pas les mains, et ils voyaient pas le lien entre le fait d'avoir les mains sales ou de pas se laver, puis le fait qu'il y ait plus de décès, hein, des bébés, des trucs comme ça. Et quand il y a quelqu'un pour la première fois qui a émis l'hypothèse qu'il y avait des organismes là qui étaient minuscules, hein, micro-organismes qu'on peut même pas voir avec nos yeux et qui se multiplient, qui se propagent, eh ben, ils se sont fait ridiculiser au début. Et ils ont dit, mais ça, c'est pas possible, ça, c'est pas scientifique, ça, c'est... Hein? C'est ça. Parce que les gens n'avaient pas imaginé que quelque chose comme ça pouvait exister si c'était si petit. Puis après, quand ils ont commencé à effectivement faire des tests et faire des vérifications, puis avec surtout quand les microscopes sont apparus et tout, après, là, ils ont commencé à constater que ça, c'était vrai. Mais au début, c'était vu comme une idée farfelue. Les gens voulaient même pas rien entendre de ça, tu vois. Ouais, non, c'est sûr que si on veut faire avancer les connaissances et la science, il y a toujours des choses bénéfiques qu'on peut faire avec ça. Et surtout, si on est croyant, on va pas utiliser ces choses-là uniquement pour faire de l'argent ou faire du profit, ou même pour faire des problèmes, parce que eux ils ont détruit le monde avec leurs découvertes, hein. Ils ont créé des armes et des trucs de destruction. Donc nous, on pourrait faire profiter l'humanité de beaucoup de bonnes choses, hein. Toutes sortes de choses qu'on pourrait faire plus facilement. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont découvert des moyens pour purifier l'eau, puis pour faire plein d'autres bonnes choses. Et il y en a des compagnies qui bloquent ça parce qu'ils ne veulent pas que les gens aient accès à ces choses-là. Pourquoi ? Parce que ça va leur faire perdre de l'argent. Donc, on sait qui sont les shayatin al-ins, hein? Les diables humains. Le shaykh, il dit ensuite... donc on était rendu où là? Innama ghalibu ulum al-qawm. Donc ça on a expliqué. Après le shaykh il dit, donc je vois combien de temps il nous reste. Ok, c'est bon. Il dit: وَالْيَهُودْ وَالنَّصَارَ بَعْدَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ أَعْلَمُ بِالْإِلَهِيَاتِ مِنْهُمْ بِكَثِيرٍ. Donc Ibn Taymiyyah il dit: et les juifs et les chrétiens après après l'abrogation de leurs livres et après la falsification de leurs textes, sont encore plus savants au sujet des questions de divinité et de religion que eux, c'est-à-dire que ces philosophes-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, par rapport à ça, Al-Yahoud wa al-Nasara indahum ilm, wa lidhalika sammahum Allahu ahlul kitab, wa indahum ilm, wa indahum iman fil jumla, walakin haula'i la ilma lahum wa la iman. أما قبل النسخ والتبديل فهم كانوا على الدين وعلى الإيمان. اليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل كانوا على الإيمان. وأتباع موسى وعيسى عليهم السلام إنما كفروا بعد النسخ والتبديل. Donc le Cheikh Al-Fawzan explique que les Juifs et les Chrétiens, ils ont de la science, et c'est pour ça que Allah les a appelés des gens du livre. Donc ils ont de la science et ils ont une foi de façon générale. Mais, tandis que les philosophes, ils n'ont ni foi, ni science, ni foi. Il dit, tandis que avant l'abrogation des textes des juifs et des chrétiens et leur changement ou la falsification de ces textes-là, ils étaient sur la religion et sur la foi. Les juifs et les chrétiens, avant l'abrogation et avant le changement de leurs textes, étaient sur la foi et ils faisaient partie des gens qui ont suivi Moussa et qui ont suivi Isa, Jésus et Moïse, hein, alayhim assalam, et ils ont uniquement renié la foi après l'abrogation de leur texte et après le changement de leur texte, hein. Donc ça c'est important de le dire. Et donc quand les ulama ils parlent parfois ils comparent entre des différents groupes ou des différentes croyances, ils vont parfois dire tel groupe est moins mécréant que tel groupe ou tel groupe est plus mécréant que tel groupe. Et ça, c'est uniquement par rapport à la comparaison qu'ils veulent faire, dans le sens que c'est relatif à la comparaison qu'ils sont en train de faire. Ça ne veut pas dire que les juifs et les chrétiens sont des croyants. Ça veut uniquement dire qu'ils sont moins mécréants que tel groupe. Et donc ici, ils font cette comparaison-là. Et c'est pour ça qu'on sait que les chrétiens et les juifs sont meilleurs que les athées, par exemple. Les athées qui croient ni en Dieu, qui croient ni au jugement dernier, qui croient en rien, hein, sont plus égarés que les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens, malgré qu'ils sont des mouchriquins, des koufars, mais ils sont, hein, meilleurs que les athées. Après le cheikh, il dit « Walakin muta'akhiruhum kabn Sina aradu » أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل. Il dit, mais ceux qui sont venus plus tard parmi les philosophes, comme ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure comme étant les philosophes arabes, comme Ibn Sina, ils ont essayé de racoler les paroles des anciens philosophes à ce que les prophètes ont amené, hein, et de faire un assemblage entre les deux. Et le cheikh Ibn Al-Fawzan, il dit, Ibn Sina, min al-falasifa, wa huwa yantasibu ila l'islam, wa lamma ra'a al-Qur'an wa al-Sunnah, wa ra'a annahum ma yatawafakoun, ما يتوافقون مع قول الفلاسفة أرادوا أن يلفقوا أو يلفقوا بين قول الفلاسفة وبين ما يدل عليه القرآن الكريم فألبس الفلسفة ثوبا من التدين وزعم أنها لا تخالف القرآن وهذا تزييف على الناس يجمع بين النقيضين الضدين فهذا من التلبيس على الناس c'est ça qui se passe il dit Ibn Sina fait partie des philosophes et il prétend appartenir à l'islam et lorsqu'il a lu le Coran et la Sunna il a vu que les deux ne peuvent pas être en accord avec la philosophie alors ils ont essayé de racoler la parole des philosophes et ce que le Coran enseigne et donc ils ont essayé de donner à la philosophie grecque une image religieuse ou une image islamique et de prétendre que ce n'est pas en contradiction avec le Coran et il dit ça c'est une falsification c'est une falsification et c'est comme essayer de réunir entre deux choses contradictoires et ça c'est une forme de tromperie quand on essaie d'agir comme ça ça veut dire qu'on veut tromper les gens et donc qu'est-ce qu'ils ont fait Cheikh il dit شيخ الإسلام بن تيمية الذي فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا مذهبا قد يعتزي إليه متفلسف أهل الملل وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم واعترفوا بأن الناموس on va lire jusqu'ici le cheikh il explique que qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de racoler la philosophie avec la religion de l'islam eh bien ils ont pris les fondements des Jahmiya et les Jahmiya c'est les gens qui ont suivi Jahm ibn Safwan ceux qui renient la foi en les noms et les attributs d'Allah donc Jahm ibn Safwan il croit pas au nom d'Allah et aux attributs d'Allah. Ne crois pas à ça. Il dit, si tu trouves des noms d'Allah ou des attributs d'Allah dans le Coran, eh bien ça, c'est des choses symboliques, allégoriques, c'est pas réel. Et il ne croit pas en Al-Qadr. Il ne croit pas en Al-Qadr. Jahm ibn Safwan, il ne croit pas en Al-Qadr. Et également, parmi les égarements de Jahmiya, c'est que eux, ils croient pas non plus en la foi telle que on y croit par rapport au Coran et à la Sunna. Pour eux, Jahm ibn Safwan dit la foi c'est la connaissance. Donc si tu connais Allah, t'es croyant, même si tu crois pas en l'islam tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Donc eux, ils considèrent que Pharaon était croyant, que Iblis était croyant, parce qu'il connaissait Allah. Il dit, si il connaît Allah, ça veut dire qu'il est croyant. Allah musta'an. Donc ça, c'est les croyances des Jahmiya et les Mu'tazila. Bon, c'est un autre secte également. Et eux, ils croient en les attributs, ils croient en les noms d'Allah, ils reconnaissent les noms d'Allah, mais ils ne croient pas en les attributs. Et ils renient le Qadar aussi. Mais sont à l'autre opposé des Jahmiya. Parce que les Jahmiya, eux, ils disent que l'être humain, il est comme une plume dans le vent. En fait, les Jahmiya sont des Jabriya dans la croyance. Ils croient que tout ce que l'être humain fait, il n'a pas aucune liberté et aucun choix. Ce qu'il fait, c'est Allah qui lui fait faire. Comme une plume qui est poussée par le vent. Tandis que les Mu'tazila, eux, c'est des Qadariya, ils nient le Qadar complètement. Ils disent que l'être humain est libre de ce qu'il fait et c'est lui qui crée lui-même ses actions il n'y a pas de prédestination et ainsi de suite et aussi ils ont d'autres égarements la négation des attributs d'Allah et al-manzila bayn al-manzilatayn et beaucoup d'autres égarements aussi donc qu'est-ce qu'ils ont fait ces philosophes c'est ça ils ont pris un petit peu des différentes sectes d'égarements et les ont mis ensemble pour se créer une croyance qui serait en accord avec la philosophie grecque en mélangeant toutes ces différentes sectes ensemble et ces différentes croyances d'égarement et le cheikh il dit ils sont sortis à la fin avec des croyances corrompues et des contradictions, il dit, et j'en ai indiqué certaines d'entre elles dans d'autres endroits, dans d'autres livres. Donc il a parlé de ça dans d'autres livres. Et il dit, donc quand ils ont regardé l'exemple de Moussa et de Isa et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, ils ont vu donc les contradictions qu'il y a entre les deux, hein, ils ont reconnu que la révélation et la religion qui a été envoyée, alladhi bu'itha bihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a'zamu namusin taraq al-'alam wa wajadu al-anbiya qad dhakaru al-mala'ika wal-jinn arado an yajma'u bayna dhalika wa bayna aqwal salafihim al-yunan alladhina هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Donc ils ont, quand ils ont regardé les exemples de ce que Allah a envoyé et de ce que Allah a ordonné, hein, à Moussa, à Isa et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi wa salatu wa salam, ils ont été éblouis, hein, dans le sens qu'ils ont reconnu que la loi que et la sharia et la révélation que Allah a donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus grande révélation et la plus grande législation. Et ensuite il dit, ils ont trouvé donc que les prophètes dans la révélation, ils ont parlé des anges, ils ont parlé des djinns. Hein? Ils ont essayé de réunir entre les croyances, donc les principes et les enseignements des prophètes, et ce que leurs prédécesseurs parmi les Grecs ont enseigné. Hein? Et donc, en réalité, ces Grecs-là sont les gens les plus éloignés, hein, de la connaissance d'Allah, de ses anges, de ses livres, de ses messagers, du jour dernier, et ainsi de suite. Cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite, اليونان ينكرون الملائكة ينكرون الجن ينكرون علم الغيب ولكن ابن سينا وأقرانه لما رأوا الرسل جاءوا بذكر الملائكة وذكر الجن أرادوا أن يلبسوا هذه الأشياء على المسلمين فكسوها شيئا من التزوير وقالوا إنها لا تخالف ما جاءت به الرسل وسموا الملائكة بكذا وكذا وأحدثوا أشياء يبررون بها الفلسفة القديمة ليبرروها عند الناس ويدخلوها على الناس لأنه يعز عليهم أن ينكشف عورها وبطلانها. Donc le cheikh il explique que les juifs les philosophes, hein, ils ne croyaient pas en les anges, ils ne croyaient pas en les djinns, ils ne croyaient pas en la connaissance du ghaib. Mais Ibn Sina, lui, ainsi que ses semblables, comme Al-Farabi et d'autres également, lorsqu'ils ont vu ce que les messagers ont ramené, de la mention des anges, la mention des djinns et autres choses également, ils ont essayé de tromper les musulmans pour essayer de leur faire croire que ces choses-là, c'est présent également dans les enseignements des philosophes. Donc, ils ont essayé de mélanger, de falsifier les choses un peu, pour essayer de faire croire aux musulmans que ce que les philosophes enseignent n'est pas en contradiction avec ce que les messagers ont amené. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné un autre nom aux choses qui ont été mentionnées par Allah dans le Coran. Donc, les anges, ils ont dit, c'est les anges, c'est pas les, qu'est-ce qui est mentionné dans la parole des philosophes, eux, qu'est-ce qu'ils appellent telle chose, eh bien, ça correspond à qu'est-ce que nous, on croit par rapport aux anges, hein. Alors que, on sait que les deux, ça n'a pas rapport. Parmi les exemples de gens qui ont essayé de faire ça à notre époque, par exemple, je pense que c'est Mohamed Rachid Reza, ou bien l'autre, son cheikh, celui qui était avec Al-Afghani, il y a celui qui était le mufti en Égypte pendant l'occupation anglaise, comment il s'appelait, ça vous, vous vous souvenez pas? Non, ok. Donc il y avait comment s'appelle Al-Afghani, puis son élève, celui que beaucoup de gens ils se référaient à lui parmi les Égyptiens. En fait, en tout cas, ces gens-là, ils ont dit par exemple que les djinns, c'était les microbes aujourd'hui. Et ils ont dit que c'est comme on a découvert des petites bêtes qui existent aujourd'hui, on les a découvertes par des microscopes. Et ça, en réalité, c'est ça les djinns dont Allah parle dans le Coran. Hein? Et ça, c'est ridicule, yani, de penser ça. Mais il y en a qui ont essayé d'expliquer tout, hein, par des comme si d'expliquer tout par la raison, en fait. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, Mohamed Rachid Reda, c'était l'élève de Mohamed Abdo. Et Mohamed Abdo, c'était le mufti de l'Égypte à l'époque de l'occupation anglaise. Il a fait des fatwas vraiment étranges à son époque. Et son professeur, c'était Jamaluddin Al-Afghani, Al-Irani. C'était un Iranien, en fait. Et ces deux-là, hein, on dit qu'ils étaient, en fait, c'était deux personnages un peu, comme on dit, deux personnages controversés. C'est ça, ouais, c'est des personnages très controversés. Et il y a beaucoup de choses à dire sur eux, j'ai pas envie de rentrer dans ça maintenant, mais c'est juste pour dire que c'est Mohamed Reda qui a écrit ça, d'après ce que je me souviens, à propos des microbes là. Donc c'est des gens comme ça qui essaient d'interpréter les choses en se basant sur la philosophie, puis sur la raison, puis essaient de déformer la réalité des choses. Donc ces anciens-là, comme Ibn Sina, ils ont fait un petit peu la même chose. Et il y a des gens aujourd'hui qui essaient de faire la même chose avec d'autres principes. Comme par exemple, les Koufars, ils ont ramené des philosophies, des idéologies, des systèmes à notre époque. Comme le communisme, le socialisme, la démocratie, hein, la laïcité. Donc tu trouves parmi certains musulmans qui viennent, et ils prennent dans le Coran des choses, des versets ou des hadiths, puis ils essaient d'interpréter ces versets-là à la lumière de ces philosophies ou de ces idéologies européennes, occidentales. Et s'ils trouvent une contradiction, parce qu'il y en a des contradictions, c'est sûr, hein, eh bien, ils essaient de déformer le sens de ces versets pour que ce soit en accord avec ces idées-là. Hein? Eh bien, ces philosophes, c'est un petit peu la même chose qu'est-ce qu'ils avaient fait par rapport aux enseignements des philosophes grecs. Quand ils trouvaient des contradictions, ils essaient d'interpréter faussement les hadiths et les versets du Coran pour essayer de faire croire aux musulmans que ces choses-là ne sont pas en contradiction et que ces choses-là sont en accord. Et donc, ils essaient de les justifier ou de les faire accepter aux gens. Et ils veulent pas que on dévoile ou on démontre, hein, leur supercherie puis leur mensonge. Donc c'est ça. Donc je pense que pour aujourd'hui, inshallah, on va s'arrêter ici. Donc ça, on va l'expliquer au prochain cours, inshallah, la suite. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم إن شاء الله.